Là, franchement, tu es allé trop loin. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant ? À ta place, j'irai m'excuser. Aïe, ce n'est pas facile, ça. Je sais. Et tu devrais même lui proposer un dédommagement.